Tu t'appelles Marie-Pierre. Et tout le monde t'appelle Mapi, Mapiou, Mapiou-Piou même. À Pâques, comment s'appellera ton œuf en chocolat, Jeff de Bruges? Eh oui, avec Jeff de Bruges, on peut faire inscrire gratuitement son prénom ou son surnom sur un délicieux œuf en chocolat. À partir de 13 euros l'œuf de Pâques personnalisé. Jeff de Bruges, le plaisir a un nom et un prénom. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, bougez plus. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Chaban et la nouvelle société. Le personnage dont nous allons conter l'histoire aujourd'hui est l'un des plus singuliers, des plus intéressants et pour certains des plus attachants de la Ve République, Jacques Chaban-Delmas. En mai 69, il devient Premier ministre du président Pompidou. Quelques mois plus tard, le gouvernement doit nommer le nouveau directeur de la formation à l'ORTF. Les conseillers de Chaban lui disent « Nous pensons à Pierre Desgroupes ». Mais il précise, c'est un journaliste de gauche. Il est compétent, répond Chaban. Oui, bien sûr, monsieur le Premier ministre. Alors nommez-le. Cette anecdote n'a rien d'anodin. Elle montre au contraire, chez ce Premier ministre gaulliste, un esprit d'ouverture peu commun à l'époque et qui sera aussi la colonne vertébrale, la pensée exacte de son corpus politique, la nouvelle société, faite de projets de réforme pour débloquer la société française, la sortir de ses archaïsmes, de ses présupposés, de ses tensions, en résumé, de ses passions tristes. Cette vision de la France, Chaban la présente lors de sa déclaration de politique générale devant les députés en septembre 69, un discours inédit, un vrai discours programme qui provoquera aussi sa chute, car il est bien connu, surtout en politique, qu'on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Notre invité aujourd'hui, Jean Garrigue, historien, auteur de Chaban-Delmas, l'Ardent, livre paru en 2015 à la Documentation française. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Guillaume Ballandras, coordination, Franck Cognard. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Réalisation, Charles Cilia. Le lundi 16 septembre 1969, il règne au Palais Bourbon une ambiance de rentrée des classes. Dans un hémicycle plein à craquer, des centaines de députés se serrent les uns contre les autres. Stylo à plumes dégainé, carnet en cuir posé sur les tablettes, ils fixent tous le même homme, le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas. Ici, tout le monde appelle Chaban. Silhouette élancée, costume impeccable. L'homme se lève, puis grimpe 4 à 4 les marches jusqu'au perchoir qu'il a occupé d'ailleurs pendant 10 ans auparavant. Le moment est solennel, il s'apprête à prononcer son discours de politique générale. Malgré les enjeux, le fringant chef du gouvernement semble étrangement détendu. À 54 ans, c'est un vieux routard de la vie publique. Résistant de la première heure, maire de Bordeaux depuis 22 ans, ancien président de l'Assemblée donc, et plusieurs fois ministre, il connaît les palais de la République comme sa poche. Pourtant, c'est la première fois qu'il se plie à cet exercice. Il vient tout juste d'être nommé à Matignon par le président fraîchement élu, Georges Pompidou. J'ai accepté d'être désigné comme Premier ministre par M. le Président de la République. Je mesure l'honneur, je mesure la charge. Je vais m'adresser à des hommes que les difficultés n'effraient pas et que je crois capables de former une équipe de gouvernement. Quand il arrive au pupitre, les murmures s'éteignent. Avec son air d'acteur hollywoodien, Chaban balaye la salle du regard. Face à lui se trouve la quasi-totalité des 487 députés. Une poignée de communistes, quelques socialistes, des centristes, mais surtout, une armada venue de sa propre famille politique, l'Union des démocrates pour la République, ou UDR, que tout le monde appelle gaulliste du nom de leur fondateur, Charles de Gaulle. Classé à droite, le parti est alors un véritable rouleau compresseur. Un chiffre suffit pour s'en convaincre. Sur les 487 députés de l'Assemblée, 354 appartiennent à la majorité. Chaban dispose donc d'une marge de manœuvre plus que confortable. Malgré cette mainmise de son parti, le nouveau Premier ministre n'a pas vraiment l'esprit de caste. Mieux encore, il refuse les étiquettes. Drôle de personnage tout de même que ce Chaban-Delmas, allergique à la logique bipartisane, capable de discuter avec la droite comme avec la gauche, il semble planer au-dessus des petites manœuvres habituelles avec une sérénité qui frôle parfois la nonchalance. Alors, que mijote-t-il ? Dans les arcanes du pouvoir, ça fait des semaines que toutes sortes de rumeurs circulent à propos de son projet. Il serait moderne, en rupture avec le passé, de plein pied dans un monde qui change, bref, à l'image de son créateur. D'ailleurs, le nom qu'il lui a trouvé sonne déjà comme une promesse, Nouvelle Société. Alors, Chaban pose les 22 pages de son texte sur le pupitre, puis s'éclaircit la voix. Il commence en allocution par un diagnostic sans appel. La France est un pays bloqué. De cette société bloquée, je retiens trois éléments essentiels. Au demeurant, liés les uns aux autres de la façon la plus étroite. La fragilité de notre économie, le fonctionnement souvent défectueux de l'État, enfin, l'archaïsme et le conservatisme de nos structures sociales. Dans les rangs gaullistes, quelques cadres serrent les dents. Il faut dire que depuis l'avènement de la Ve République, 11 ans plus tôt, l'hégémonie du parti est totale. Donc, ce parti est comptable de l'État de la France. Et Chaban est lui-même l'un des barons du gaullisme. Autrement dit, un pur produit de l'ancienne société. Mais il est convaincu que le pays doit être réformé en profondeur pour qu'advienne une société nouvelle. Notre société nouvelle aura tout d'abord le visage de la jeunesse. La vague démographique des 25 dernières années nous offre une chance unique de rajeunissement. En outre, l'éclosion des talents est souvent plus précoce aujourd'hui qu'il y a un siècle. Comment refuserions-nous, au nom de principes caducs et en nous accrochant à des structures périmées, d'offrir à notre jeunesse une participation pleine et entière à la construction de l'avenir, de son avenir. Dans une corbeille qui jouxte la tribune de l'hémicycle, l'un de ses proches conseillers esquisse un sourire, un certain Jacques Delors. Venu du syndicalisme, le futur président de la Commission européenne est l'un des auteurs du discours. En tout, ils sont 5 conseillers, de droite et de gauche, à avoir planché sur cette déclaration de politique générale, la feuille de route que tout nouveau Premier ministre doit présenter aux députés et donc aux Français. Alors, de quoi cette nouvelle société est-elle le nom ? Pour mieux comprendre la proposition de Chaban, peut-être faut-il remonter 30 ans en arrière et suivre la trajectoire unique de ce dandy sportif et fringant. Une trajectoire commencée sous les drapeaux alors que le pays s'apprête à vivre l'une des pires humiliations de son histoire. Avant Chaban, il y a Delmas, Jacques Delmas. C'est sous ce nom que ce jeune major de promotion de Saint-Cyr est mobilisé en 1939. Sous-lieutenant de bataillon alpin, perspicace et habile, il assiste, impuissant, à la grande catastrophe de tous les Français de sa génération, la débâcle de 1940. Mais lui ne supporte pas l'humiliation de la défaite. Il décide donc de répondre à l'appel d'un général inconnu, Charles de Gaulle. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Impétueux, le sous-lieutenant Delmas tente sans succès de rejoindre Londres avant de passer en zone libre. Là, il intègre le réseau de résistance Hector. Il adopte également un pseudonyme qui le suivra toute sa vie, Chaban, du nom d'un château perdu dans le Périgord. Peu à peu, le jeune homme se rend indispensable et monte en grade. Et quand la libération arrive, on lui présente De Gaulle et on vante ses mérites de résistant, ce à quoi le général répond sans autre forme de procès, c'est bien, Chaban. En tout cas, il a de quoi exulter, Chaban, comme tous ceux qui, comme lui, ont choisi le camp du courage et de la dignité. Il le racontera des années plus tard au micro de France Inter. Et tout d'un coup, Paris est libéré. Et Paris n'est pas détruit. Et moi, je suis vivant. Alors jamais je n'aurais dû arriver jusque-là, jamais. Je suis vivant. Et instantanément, j'ajoute, tout ce que je vivrai maintenant, ce sera durable. Et il faudra que ce soit fini. Dans le bouillonnement politique de l'après-guerre, Charles de Gaulle crée sa formation politique, le Rassemblement du Peuple Français, ou RPF. Très vite, de nombreux gaullistes s'engagent. Et celui qu'on appelle désormais Chaban Delmas ne déroge pas à la règle. En 1947, il devient maire de la ville de Bordeaux, qu'il dirigera indéboulonnable pendant près de 50 ans. Malgré tout, dès le début de son engagement public, il refuse d'être enchaîné. Ainsi, lors de ses premières municipales, il obtient le soutien du RPF, mais aussi des radicaux de gauche. Un pied de chaque côté du spectre, Chaban affirme son point de vue avec une constante, le choix du compromis plutôt que de l'affrontement. Remarqué pour sa verve et son ouverture d'esprit, il cumule vite plusieurs mandats. À Paris, il devient ministre, avec notamment les portefeuilles des travaux publics et de la défense. Mais la 4ème République est fragile. Les crises institutionnelles se multiplient. Et en 1958, sous l'impulsion du général de Gaulle, une nouvelle constitution est créée, la 5ème voit le jour. Après les premières législatives, remportées haut la main par les gaullistes, Chaban obtient un poste clé du pouvoir, président de l'Assemblée nationale. Et il arrive au perchoir avec une envie, apporter à la fonction un souffle nouveau, comme il l'explique au micro de l'ORTF. Monsieur le Président, vous êtes, je crois, l'un des plus jeunes présidents que l'Assemblée se soit donné depuis 1871. Ah, ce matin, madame, j'ai appris que Monsieur Gambetta avait 41 ans et Monsieur Dupuis 42, lorsqu'ils sont devenus présidents de l'Assemblée nationale, et j'en ai 43. Mais je dois vous dire tout de suite que je ne suis pas venu ici pour battre des records. On a justement parlé lors de votre élection d'une querelle entre les anciens et les modernes. Laissons-la, si vous le voulez bien, aux élèves de nos lycées et de nos collèges. En réalité, je crois qu'il s'agit de revivifier les traditions parlementaires par un souffle nouveau. Dans les pas du général de Gaulle, Chaban fait de nombreux voyages diplomatiques. C'est d'ailleurs au cours de l'un d'entre eux, en 1961, à Washington, qu'il rencontre un ancien avocat de Boston qui vient tout juste d'être élu président des États-Unis, John Kennedy. Les deux hommes parlent la même langue, celle de l'élégance et du progrès. Impressionné par son idée de nouvelles frontières, conquis par son charisme, Chaban s'imprègne de ses codes pour façonner son image. Décontracté et dynamique, loin des soirées guindées du 7e arrondissement. Oh, il n'est pas le seul homme politique français à se prendre pour Kennedy ou d'en faire son modèle. Jean-Jacques Servan-Schreiber et Valéry Giscard d'Estaing s'inspiraient aussi du mythique président américain. Mais de ce point de vue, c'est bien Chaban qui correspondait le mieux. Ne serait-ce que physiquement d'ailleurs. Chaban était ce qu'on appelle un bel homme. À l'image de Kennedy, les années 60 qui s'ouvrent sont celles des grands bouleversements. Entre la croissance économique, l'indépendance des anciennes colonies et l'installation durable de la société de consommation, la France passe à la couleur. C'est l'heure de la nouvelle vague, des yéyés et des cuisines en formica. Un vent d'euphorie souffle sur l'hexagone. Et là encore, Chaban est l'incarnation dans la sphère politique française. Le très moderne président de l'Assemblée renvoie l'image d'un homme bien dans ses baskets, avide d'exercice physique, ancien tennisman et ancien rugbyman de haut niveau, et aussi, il faut bien le dire, très présent sur la scène médiatique. Bref, Chaban coche toutes les cases de la modernité, comme le montre ce reportage de l'ORTF. Il est 7h du matin. Rien ne bouge dans l'hôtel de l'Assemblée nationale. Monsieur Chaban Delmas, monsieur le président, profite du calme et de l'espace des immenses salons, déserts à cette heure, pour accomplir sa culture physique sous la direction de Maurice Rousseau, ancien champion de France du 100 mètres et du 200 mètres. Il en est ainsi chaque jour, et les murs de ces salons lambrissés, habitués à abriter des réceptions de notre ordre, acceptent volontiers ce dynamisme quotidien, signe de notre temps. La volonté que le président Chaban Delmas met à s'astreindre à une préparation physique régulière, quelles que soient ses occupations, lui permet de conserver à 47 ans une étonnante forme et de figurer encore parmi les meilleurs joueurs de tennis de notre pays. Mais dans ce nouveau monde de croissance et de progrès, de profondes inégalités subsistent. Ainsi, les salaires des ouvriers stagnent, tandis qu'un nouveau phénomène fait son apparition, le chômage. Début 68, ils sont près de 500 000 à chercher un emploi. Monsieur André Giraud, vous êtes le directeur de la plus importante agence de petites annonces en France. Il y a actuellement un problème de l'emploi. Est-ce que ce problème se reflète sur les petites annonces ? Il y a en ce moment incontestablement du chômage, tout le monde le reconnaît. Et de ma fenêtre, je mesure le nombre de demandeurs d'emploi qui chaque jour attend la sortie de la première édition de France Soir pour se précipiter sur certains emplois offerts. Au même moment, une nouvelle génération née juste après la guerre commence à faire du bruit, les baby-boomers. Armés de leurs jeans et de leurs cheveux longs, ils veulent refonder la société à coups d'expérience collective et d'amour libre. Pour se faire entendre, ils organisent leurs premières actions coup de poing, comme des blocages de campus ou des rassemblements contre la guerre du Vietnam. En parallèle, la colère monte également dans le monde ouvrier. D'importantes manifestations sont organisées. D'abord au printemps 67, avec le mouvement contre les ordonnances sur la sécurité sociale, mais surtout l'année suivante, avec mai 68, bien sûr. Le premier de ce mois historique, des ouvriers de Renault-Billancourt occupent leurs ateliers. Leur grève va devenir générale et faire vaciller le général. Quand on a commencé ce mouvement, il en était temps dans un ghetto. La classe ouvrière considérait les étudiants comme des fils de bourgeois incapables de se battre contre la police et qui foutraient le camp au premier choc. Qu'ils sont des fils de bourgeois. Oui, enfin, même oui, ça, oui, même oui, ça, on peut dire. Marx a dit qu'on ne juge pas les hommes par rapport à leur origine sociale, mais par rapport pas à leur situation. Ça n'exclut pas qu'ils puissent être des alliés de la classe ouvrière, mais ce sont des fils de Paris, mai 68, le fond de l'air est rouge. Au début du mois, deux mouvements sociaux convergent, les ouvriers et les étudiants. Les uns protestent contre les inégalités salariales, les autres contre la société de consommation et l'impérialisme. Malgré ces différences, ils s'entendent sur un ennemi commun, le pouvoir gaulliste et la geste gaullienne qui ne prend plus, qui lasse. En quelques jours, les affrontements prennent des airs de guerre civile. Les slogans libertaires recouvrent les murs au son des pavés qui fracassent le sol. Soyez réalistes, demandez l'impossible, et la capitale s'embrase. De son côté, l'homme du 18 juin ne comprend pas les revendications de cette jeunesse bruyante. D'ailleurs, il trouve un mot un peu reluisant pour qualifier les événements, la chienlit. Et malgré l'importance du mouvement, près de 10 millions de grévistes, il refuse de plier. Étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Parmi les gaullistes, un homme prend la mesure du changement à l'œuvre, Jacques Chaban-Delmas. Le 30 mai, le maire de Bordeaux s'exprime dans le quotidien Sud-Ouest où il appelle de ses voeux la création d'une nouvelle société. La formule est lancée ici pour la première fois. Alors, quelle réponse apporter ? À la fin du mois, le général de Gaulle finit par se rendre à l'évidence. Il lui faut trouver rapidement une solution politique à la crise. Le 3 juin, il remet le destin du pays entre les mains des électeurs. Il dissout l'Assemblée et provoque la tenue d'élections législatives anticipées. Malheureusement pour les manifestants, la France conservatrice pèse encore de tout son poids. Et le scrutin est un raz-de-marée pour la majorité. 72%. Ironiquement, la crise de mai 68 a consolidé le pouvoir législatif des gaullistes. Mais le général entend tirer les leçons de ce printemps agité. Convaincu que l'État pèse trop lourd, en 69, il soumet les Français à un référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation. Pas sûr que les électeurs en comprennent même le titre. Et c'est un échec cuisant. Le non l'emporte à 52%. Comme d'habitude avec les référendums, bon nombre d'électeurs ne répondent pas à la question posée. C'est plutôt stop ou encore à celui qui la pose. Et là, c'est ouvertement stop. Le général prend ses responsabilités. Avec une honnêteté qui aujourd'hui encore fascine, comme il l'avait annoncé, en cas d'échec, il démissionnera. Eh bien, le 28 avril 69, à minuit 10, il annonce son départ par un communiqué laconique que Chaban lit au petit matin à ses collègues députés. La séance est ouverte. J'ai reçu la lettre suivante. 28 avril 1969, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi, signée Charles de Gaulle. En quelques lignes, le pays tourne page commencé 30 ans plus tôt derrière un micro à Londres. Mais si les hommes changent, les idées restent. L'élection présidentielle anticipée qui suit voit l'arrivée au pouvoir d'un gaulliste conservateur et fou de poésie comme d'art contemporain, Georges Pompidou. Pour le nouveau chef de l'État, la mission est délicate, succéder à une icône. Alors, dans un esprit de continuité pour le parti et d'ouverture pour l'extérieur, il décide de nommer un homme moderne comme Premier ministre, le président de l'Assemblée, héros de la Résistance et idole de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas. Et l'attelage semble parfait. Dès qu'il apprend sa nomination, Chaban se donne une mission, proposer un remède au remous du pays. Bien, mais comment y parvenir? Sans renier l'histoire et les valeurs du général. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Désormais, mon cœur vivra sous les décombres de ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton ombre, je serai l'ombre de moi-même, ma main de ta main séparée. Aujourd'hui, Jacques Chaban-Delmas sous l'ardeur en politique. Affaires sensibles sur France Inter. La lanterne, résidence secondaire des premiers ministres, Versailles, 9 juillet 1969. Dans la chaleur de l'été, le nouveau chef du gouvernement, Jacques Chaban-Delmas, se met au travail. C'est ici, dans l'ancien pavillon de chasse du roi, devenu demeure d'État, qu'il a décidé d'installer ses quartiers. La mission qu'il s'est donnée est fondamentale. Rédiger un projet de politique générale qui redonnera à la nation le souffle et l'espoir qui lui font tant défaut depuis plusieurs mois. Un an et demi après mai 68 et deux mois après la démission du général de Gaulle, le pays est alors en plein bouleversement. Et Chaban compte le faire basculer dans une nouvelle ère. Entre les revendications de la jeunesse et un système gaulliste à bout de souffle, il faut proposer aux Français une vision d'avenir claire, libérée de ses archaïsmes. Pour atteindre son objectif, Chaban a mobilisé quelques brillants esprits qui, comme lui, n'ont que faire de la logique bipartisane du monde politique. Deux énarques, Simon Nora, proche de Mendès France, et Yves Calac, proche de Giscard, mais aussi le syndicaliste Jacques Delors et deux fonctionnaires au CV long comme le bras, Gérard Worms et François Bloch-Lenay. Une sorte de Dream Team, ou Task Force à la française, inspirée des méthodes de qui vous savez, là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. L'un des proches de ce groupe de travail, Pierre Hunt, raconte l'ambiance de travail dans le documentaire Jacques Chaban-Delmas, le défi de réformer, réalisé par Mathilde Damoiselle. Il y avait un grand climat de confiance et presque d'enthousiasme collectif à l'idée qu'on était avec un homme qui faisait bouger les choses. Alors, il faisait bouger à sa façon, qui n'était pas du tout la façon traditionnelle dans la haute administration. Il procédait par pulsion, par injection d'idées ou de réactions sur... Il demandait à ses collaborateurs d'être les meilleurs en leur faisant confiance, en disant ben, « Je vous ai choisi, vous connaissez mes idées, apportez-moi les projets, les idées qui vont permettre de donner de la substance à ce que nous voulons faire. » Pendant les 8 semaines qui suivent, les 6 hommes échangent, débattent, s'écharpent et se réconcilient. Dans ce que certains appelleront les happenings de Chaban, la parole circule librement. Les idées fusent et le programme prend forme. Mais il faut faire vite, le discours doit être prêt pour le 16 septembre. Et Pompidou dans tout ça? Dès le départ, et dans le respect des institutions, le président est tenu à l'écart des travaux de son premier ministre. Et quand arrive finalement le lundi 16, il ne sait toujours rien du discours à venir. En milieu de matinée, il exige qu'un motard vienne lui livrer une copie à l'Élysée. Peine perdue, il ne saura rien du projet de Chaban avant le discours, un comportement que le Premier ministre finira par payer très cher. Finalement, dans l'après-midi, comme nous l'avons raconté au début de ce récit, Jacques Chaban-Delmas monte à la tribune de l'Assemblée nationale et se lance dans son allocution. Avec panache et verve, comme d'habitude, il déroule un vibrant discours dans lequel il fustige la France des castes, fait l'éloge du compromis, avant de terminer par une mise en garde contre tous ceux qui voudraient profiter du chaos. Le gouvernement a dit, et il le prouve, il est bien celui de la concertation et du progrès. Mais si, par contre, il s'agit pour certains de prendre appui sur ces revendications pour contester et menacer les autorités démocratiquement élues, alors le gouvernement légitime, le gouvernement de la République, sera prouvé qu'il est là pour défendre la nation contre toute aventure. Sous un tonnerre d'applaudissements, Chaban regagne sa place. C'est un triomphe. À la fois séduisant, ferme et opiniâtre, il a montré qu'il pouvait revêtir un jour le costume de président. D'ailleurs, le soir même, Daniel Brehm, journaliste politique de l'ORTF, entame son compte-rendu par une description étonnante du Premier ministre. Le Premier ministre est monté à la tribune avec un discours de 22 pages qui a duré environ une heure. Il était en costume gris foncé, chemise blanche et cravate noire. Il a lu ce texte sur un ton mesuré et ferme. Et il a été écouté avec beaucoup d'attention par tous les parlementaires et certains passages de sa déclaration ont suscité des rumeurs lorsqu'il s'agissait des critiques du rôle, par exemple, de l'État et de l'administration. Ce 16 septembre 69, Chaban-Delmas, devenu Charmant-Delmas, vient de faire sauter le corset gaulien qui serrait le pays depuis tant d'années. Et pour lui, l'avenir semble radieux. Pour ce qui concerne l'emballage du produit politique, Chaban monte les escaliers de Matignon, 4 à 4, tout en souplesse et de préférence devant les caméras de télé qui ne se font pas prier. Mais à l'Élysée, Georges Pompidou fulmine. Non seulement il a découvert le contenu du projet en même temps que les journalistes, on l'a dit, mais de surcroît, son nom n'a pas été prononcé une seule fois en une heure du discours. À peine élu, et le voilà déjà doublé par son Premier ministre. Alors bien sûr, et forcément, le torchon brûle entre les deux hommes. Mais le président ne peut pas renvoyer un premier ministre qu'il vient de nommer. Et l'ascension de Chaban est irrésistible. Dans les mois qui suivent, il entame avec son gouvernement une série de grandes réformes. Mensualisation des salaires ouvriers, concertation accrue entre patrons et syndicats, refondation du salaire minimum avec la création du SMIC, indépendance de l'ORTF... La France bascule dans la décennie 70 comme ragaillardie par l'homme de Matignon. Et il ne compte pas s'arrêter là. Sous son impulsion, plusieurs grands projets de pointe sont lancés, comme les avions Airbus ou encore la fusée Ariane. L'énergique Chaban croit en sa bonne étoile et il en est sûr, bientôt, il sera président. Malheureusement, quand les ennuis arrivent, on le sait, il vole en escadrille. Il y a d'abord son image de dandy énergique, régulièrement brocardé par les gens du cabinet de Pompidou. Léger, ne connaît pas ses dossiers, disent-ils, la bouche pleine de fiel. Et bien sûr, les humoristes s'en donnent à cœur joie, eux aussi. Notamment le plus connu du moment, Thierry Leluron. Un récent sondage montre que lorsque j'ai pris mes fonctions en 1969, je montais les 9 marches du perron de l'hôtel Matignon, 3 par 3. En 70, je les montais 4 à 4. Alors cette année, j'ai décidé avec l'accord du président de la République de sauter les 5 premières marches d'un coup. Au sein de la grande famille dysfonctionnelle gaulliste, ce n'est guère mieux. Avec les années, Chaban s'est fait de nombreux ennemis. et au tournant des années 70, ils n'hésitent plus à lui glisser quelques pots de banane dès qu'ils le peuvent. C'est le cas notamment d'un jeune loup dans l'ongle, Jacques Chirac. Défenseur à l'époque d'un gaullisme droitier, le ministre délégué aux relations avec le Parlement qu'il est, fustige les tendances gauchisantes de son chef, comme sa volonté constante de dialogue avec les syndicats et ses soucis de la condition ouvrière. À gauche aussi, les critiques fusent. Enfin réunis depuis le congrès d'Épinay de 71, les socialistes voient d'un mauvais œil ce réformateur charmeur qui marche sur leurs plates-bandes électorales. Coincé entre deux mammouths qu'il écrase chaque jour un peu plus, Chaban se retrouve pris à son propre piège. Après avoir contenté tout le monde, voilà qu'il ne convainc plus personne. Le flamboyant est désormais l'homme à abattre. La balle est tirée le 19 janvier 1972 sous la forme d'un article dans le Canard enchaîné, où l'on apprend qu'entre 67 et 70, Chaban a bénéficié d'un crédit d'impôt. Et même si la manœuvre est légale, l'affaire passe mal dans l'opinion. Pour répondre aux accusations, il est sommé de s'expliquer en direct à la télé. Dans ce pénible exercice de contrition, diffusé le 15 février sur le RTF, les Français découvrent un Chaban plus vraiment charmant, prisonnier des soupçons. Les Français ont entendu dire que vous ne payez pas d'impôts ou, en tout cas, que vous n'en payez pas assez. Pourrais-je vous demander de vous expliquer là-dessus autrement que par un communiqué pas toujours très clair ? Volontiers. Les présidents d'Assemblée disposent, pour faire face à leur charge de fonction, d'une indemnité. Et cette indemnité, depuis une décision ministérielle de 1929, j'avais 14 ans, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. J'ai donc suivi la loi de tous. Fragilisé dans l'opinion, en opposition constante avec Pompidou, Chaban perd peu à peu ses soutiens. Au début de l'été 72, le couperet tombe, il est démissionné. Le 5 juillet, c'est chose faite. Pour le père de la nouvelle société, l'état de grâce aura duré 3 ans. Malgré les ennuis, Chaban continue de croire en son destin présidentiel. D'autant que Pompidou est très malade. Souffrant d'une forme rare de cancer, le président voit son état se dégrader de jour en jour. Finalement, le 2 avril 1974, le chef de l'État meurt à l'âge de 62 ans. 2 jours plus tard, le 4 avril, Chaban Delmas commet de grosses bourdes. Il annonce sa candidature pour la magistrature suprême le jour même de l'inhumation du président. Plus désuni que jamais, le parti gaulliste finit tout de même par l'adouber. Mais Jacques Chirac et les deux Raspoutine du cabinet Pompidou, Pierre Juillet et Marie-France Garraud, qui considèrent Chaban comme un dangereux gauchiste, ne l'entendent pas de cette oreille. Et leur poulain, Jacques Chirac, débauche 39 parlementaires gaullistes et 4 ministres au bénéfice du candidat Giscard qu'ils soutiennent officiellement. Lâché par une partie de son camp, doublé à gauche par François Mitterrand et son programme commun, l'ancienne gloire de Matignon finit 3e au soir du premier tour de la présidentielle 74. 3e, la pire des places, celle des vrais perdants et des espoirs déçus. Anatomie d'une chute. Je remercie de tout cœur les Françaises et les Français qui m'ont témoigné aujourd'hui leur confiance. Ils veulent avec moi maintenir l'indépendance nationale, préserver la stabilité de nos institutions, construire la nouvelle société et par là même combattre les injustices en sauvegardant la paix sociale et civile. Pour l'immédiat, la présence du Parti communiste autour du candidat socialiste, comme les dangers du programme commun, me conduisent à confirmer mon opposition résolue à cette candidature. Après la débâcle, Chaban se replie dans son fief bordelais. Lui qu'on appelle parfois le duc d'Aquitaine empile les mandats pendant encore 20 ans jusqu'en 1995. Cette année-là, le vieux lion de 80 ans passe enfin la main avant de mourir 5 ans plus tard, le 10 novembre 2000. La semaine suivante, aux Invalides, un hommage national lui est rendu. Coup du destin, c'est l'un de ses pires ennemis politiques qui prend la parole, Jacques Chirac, qui, devenu président, se lance dans un éloge funèbre dont il a le secret. Il savait que les sociétés, comme toute création humaine, peuvent se paralyser si elles ne secouent pas leurs archaïsmes, leur conservatisme, et n'acceptent pas les réformes nécessaires. La nouvelle société, qu'il appela de ses vœux, était une société plus juste, plus solidaire. une société humaniste, une société résolument moderne, mais dotée de ce supplément d'âme sans lequel il ne pouvait pas vivre. Aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, Jacques Chaban-Delmas nous montre le chemin. Ironie de l'histoire, Jacques Chirac, l'instrument de la chute de Chaban en 1974, n'a plus cessé de lui ressembler en tant que président. Oui, de moins en moins à droite, ouvert parfois aux idées de ses adversaires politiques, ouvert au dialogue, comme qui vous savez. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Jacques Chaban-Delmas, notre invité Jean Garrigue. Bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Historien, spécialiste de la Ve République, auteur de Chaban-Delmas, l'Ardent, livre paru en 2015 à la Documentation française, et votre dernier livre, paru fin 2023, Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, c'est chez Payou Histoire. Exactement. Je me disais, pendant ce récit, que peut-être peut-on considérer, sans tomber dans l'uchronie ou le virtuel, que les Français sont peut-être passés à côté de personnages qui auraient fait de grands présidents. Je pense à Pierre Mendès France, je pense à Michel Rocard et je pense à Jacques Chaban-Delmas. Écoutez, ce sont trois personnages qui figurent dans un ouvrage que j'ai dirigé il y a quelques années et qui s'appelait « Les perdants magnifiques ». Eh oui. Eh oui, magnifique. Comme Chaban-Delmas, un bel homme, un résistant historique, un président de l'Assemblée nationale totalement novateur et un Premier ministre qui a véritablement compris ce qui s'était passé en mai 68 et qui voulait proposer cette nouvelle société, mais un perdant parce qu'il n'a pas réussi en 1974. Il ne le voulait pas assez, disait-il. Il n'a pas réussi à devenir président de la République. Mais c'est vraiment le type même de ce personnage magnifique qui un peu passé à côté de son destin. On a du mal aujourd'hui à s'imaginer à quel point ou comment Chaban a marqué les Français. Comment est-il perçu alors pour les Français qui votent à droite et même ceux qui votent à gauche? Qu'est-ce qu'on sait de ça? Il est très populaire quand il arrive au pouvoir. Il est très populaire d'abord parce qu'il a cette aura de résistant. Les gens n'ont quand même pas oublié le plus jeune général de France à 29 ans, oui. Un proche du général de Gaulle. Il est très populaire parce qu'il incarne aussi une forme de modernité dans la famille gaulliste. Il a cette image, vous en avez parlé, il escalade les marches, il est très sportif, et il incarne vraiment cet effet de modernité à un moment où la France était aux prises avec cette crise de mai 68, où sa jeunesse pousse pour se faire entendre. Et il est aussi populaire parce qu'on sent que c'est un homme de dialogue. C'est un homme qui veut ouvrir toutes grandes les portes de sa famille politique, et jusqu'au bout d'ailleurs, jusqu'en 1972, même quand il va être congédié par Georges Pompidou, il va garder une très grande popularité, y compris dans son parti, puisque il va y avoir un vote de confiance quelques mois, quelques semaines avant qu'il parte, et où il a été triomphalement soutenu par ses proches, sauf que Pompidou ne voulait plus de lui. Alors, Pompidou le nomme à Matignon, alors ça me fait penser, encore par analogie, à Mitterrand qui nomme Rocard en 88. Ce sont pas des amis, mais Rocard est en situation politique. J'ai l'impression que Chaban est dans la même situation politique. Vous avez tout à fait raison, c'est exactement ce qui se passe. Pompidou se dit que Chaban peut en même temps incarner la continuité, il fait partie des barons du gaullisme, mais aussi qu'il va l'ouvrir à notamment ce centre droit qui devient indispensable pour faire les majorités. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Jacques Chaban-Delmas qui s'est constitué tout un réseau de partenaires politiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, il vient quand même du parti radical de la 4e République. Il a été véritablement un des grands artisans de la 4e République. Bien c'est sûr. C'est ça le paradoxe. Et il a donc beaucoup d'amis au centre et même à gauche, notamment François Mitterrand, qui est l'un de ses amis intimes, je dirais, et on sait qu'avec lui, on va pouvoir moderniser, donner ripolliner dans le sens de la modernité cette famille gaulliste, et c'est pour ça que Georges Pompidou, qui par ailleurs ne l'apprécie guère, le choisit comme Premier ministre. Est-ce que Pompidou ne l'apprécie guère parce que Chaban fait partie de ce qu'on appelle les barons du gaullisme, qui sont presque tous issus de la résistance, ce qui n'est pas le cas de Pompidou, et il y a comme une espèce de complexe de Pompidou par rapport à ça? Là encore, vous avez totalement raison, parce que toute cette petite bande-là, les Michel Debré, Roger Frey... Sanguinetti, Olivier Guichard, oui. Tout cela, ils ont des légitimités qui ne sont pas celles de Georges Pompidou. Et Georges Pompidou s'est toujours senti un peu rejeté par ses barons du gaullisme. Et que Chaban, lui, il fait partie de cette camarilla. Et puis alors, il y a aussi... toutes les, comment dirais-je, les discours très venimeux des conseillers occultes, plus ou moins occultes d'ailleurs, de Georges Pompidou. Garot et Juillet, bien sûr. Garot et Juillet, qui ne cessent de taper sur Chaban-Delmas, parce qu'il s'imagine qu'il va amener Juillet le dirait, vous êtes l'homme qui va amener le socialisme en France. Ce qui n'était pas du tout l'intention de Chaban-Delmas. Alors, en 1974, là, c'est pas de chance pour Chaban-Delmas, parce que vous me dites qu'après Matignon, il reste populaire. Sauf qu'il arrive au cœur d'une élection où manifestement les Français ne veulent plus du gaullisme paternaliste un peu poussiéreux, mais ne sont pas toujours encore prêts à tenter l'aventure entre guillemets du socialisme. Et c'est Giscard qui se met dans ce créneau vainqueur. Exactement. Et le pauvre Chaban se retrouve du côté des vaincus. C'est-à-dire que lors de cette campagne de 1974, Chaban ne réussit plus à incarner, comme il l'avait fait 2-3 ans plus tôt, la modernité. C'est Giscard qui s'engouffre dans la brèche, avec ses fameuses affiches avec sa fille, etc. Il est le candidat de la jeunesse, et Chaban qui, lui, avait incarné cette modernité, fait une campagne un peu vieillotte, avec André Malraux, qui lui est aussi très vieillissant. Qui ne lui rend pas service. Hein. Qui ne lui rend pas service. Oulala. Les affiches sont grises, les documentaires qui le mettent en scène sont aussi un petit peu pauvres. Et voilà, la greffe ne prend pas lors de cette campagne. Et puis évidemment, il y a la trahison de Chirac et des 43. On y reviendra. C'est étonnant parce que finalement, on pense souvent que Giscard était le premier roi de la com. Mais finalement, Chaban l'a été juste avant lui. Oui, Chaban l'a été. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelait le Kennedy français. Oui. Alors c'est vrai qu'il y avait eu Le Canemet aussi en 65, le maire de Rouen, dont on avait dit Monsieur Dent Blanche, Haleine Fraîche, il a quelque chose de Kennedy. Mais celui qui vraiment, mais vous l'avez souligné, qui est vraiment non pas un clone, mais qui évoque irrésistiblement Kennedy, c'est Chaban-Delmas. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Jean Garrigue, nous parlons donc de Jacques Chaban-Delmas, qui, je le rappelle, participe au gouvernement de la 4e République. Et vous avez soulevé ce paradoxe tout à l'heure. Alors, cette 4e République, le régime parlementaire, le régime des partis que De Gaulle fustigeait tant, est-ce que le général avait besoin d'un éclaireur? Alors, c'est vrai que si Chaban-Delmas s'est engagé dans le parti radical, avec une double appartenance avec le RPF, et si il est devenu une des chevilles ouvrières de quasiment toutes les coalitions de la 4e République, c'est avec l'accord du général de Gaulle. Ça peut paraître un peu surprenant, puisque le général de Gaulle était totalement hostile aux institutions de la 4e, à ce régime des partis qu'il fustigeait, mais il était content d'avoir un homme dans la place et quelqu'un dont il ne pouvait d'ailleurs douter de la fidélité. Chaban-Delmas restait avant tout gaulliste, mais ça lui permettait quand même d'avoir un pied dans cette 4e République. Un éclaireur. Les gaullistes de gauche, difficile de comprendre que ce sont des gaullistes de gauche, je pense à Charbonnel notamment. Est-ce qu'ils étaient naturellement proches de Chaban? Alors certains, c'était pas forcément sa famille politique, il traçait sa route. Je veux dire qu'il avait des collaborateurs qui très clairement venaient de la gauche, venaient notamment de chez Mendès, dont il avait été le ministre. En 54, il est ministre des Transports de Pierre Mendès France. Absolument. Il a donc des Simon Nora avec lui. Il a, bien sûr, Jacques Delors, dont on a souvent parlé. Mais finalement, il avait son sillon à lui. On ne peut pas le considérer totalement comme un gaulliste de gauche. C'est un gaulliste humaniste, c'est sûr, social aussi, parce que l'une des grandes idées de la nouvelle société, c'est quand même de transformer, moderniser les relations sociales. Pour lui, c'est majeur. Mais c'est pas un gaulliste de gauche. Alors, ses adversaires et de sa propre famille sont les pires, en principe. Oui, les pires. Eux, ils n'ont pas manqué de hargne en 74. Il y a donc ce fameux appel des 43. Revenons un petit peu sur cet épisode dramatique pour Chaban. Ça a dû être vraiment très dur. Alors d'abord, il y avait eu, et vous l'avez évoqué, toutes les campagnes anti-Chaban des années 70-71 sur les impôts, etc. Et on sait aujourd'hui que l'entourage de Valéry Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances, n'était peut-être pas, étranger à tout ce qui sortait dans la presse sur la fiscalité, les conseillers fiscaux, Édouard Degas, conseiller fiscal de Chaban-Delmas. Et puis alors, il y a cette fameuse campagne où Jacques Chirac prend prétexte de cette candidature prématurée de Jacques Chaban-Delmas pour le trahir et pour signer un appel avec d'autres ministres et 42 parlementaires pour dire nous notre candidat c'est Giscard parce qu'on pense que Chaban-Delmas ne pourra pas aller jusqu'au bout, qu'il sera battu par les socialistes. C'est une véritable trahison puisque ça vient de son propre camp. Trahison qui n'est pas totalement surprenante pour Chaban-Delmas. Il sait bien à l'époque que Chirac est très proche de Marie-France Garraud et de Pierre Juillet, que le coup va venir de ces hommes-là et que Chirac se considère comme le dépositaire de l'héritage de Georges Pompidou. Donc tous ces éléments vont faire que la trahison va venir et qu'elle va être quand même décisive pour tuer la campagne de Chaban. Il y a une vraie préméditation, parce que ce n'est pas un hasard si Jacques Chirac se retrouve chef de gouvernement de Giscard. Bien sûr, c'est une préméditation, c'est une forme de contrat qui a été signé entre Chirac et Giscard. Écoute, je te donne la tête, je t'offre la tête sur un plateau de Jacques Chaban-Delmas, et en échange, je commence mon ascension vers le pouvoir. Après, libre à nous de nous entretenir. Après, je te trahis tranquillement. Ah bah très vite. En fait, c'est ça. c'est ça. Quoi. Exactement. Après, bon. Alors, on va parler maintenant de relations beaucoup moins conflictuelles et même presque sentimentales entre Chaban et De Gaulle. Chaban a une admiration sans borne pour le général. Et à ce titre, je vous propose d'écouter une archive qui date de la fin des années 90. Nous sommes quelques mois avant la mort de Chaban. Il raconte aux journalistes les funérailles de Charles de Gaulle en 1970. Nous étions allés à Colombey, Georges Pompidou et moi. Le cercueil était déjà fermé. Nous nous recueillons et au bout de quelques minutes, il faut repartir. Alors Georges Pompidou s'éloigne, quitte la pièce. Moi, je viens saluer Madame de Gaulle, qui m'arrête, me prend mes deux mains dans les siennes, ce qui n'était pas un geste qui lui était familier, me regarde et me dit « Il faut que vous le sachiez, il vous aimait bien. » C'est fort, hein ? C'est très fort. Chaban disait de Gaulle, je l'ai vénéré comme un symbole national, mais je l'ai aimé comme un père. Voilà, tout est dit depuis le début. Et pourtant, il ne se rend compte que le 25 août 44. C'est le fameux « c'est bien Chaban ». C'est bien Chaban. mais il est... Voilà, depuis l'appel du 18 juin, j'allais dire, il est gaulliste. De Gaulle va lui pardonner en 58 d'avoir pris la présidence de l'Assemblée nationale. Parce que De Gaulle voulait la donner à Paul Reynaud, l'ancien président du Conseil dont il avait été ministre. Parce qu'il pensait que Paul Reynaud lui donnerait une majorité plus étoffée vers le centre-droit. Et Chaban-Delmas s'est appuyé sur la majorité des gaullistes pour prendre la présidence de l'Assemblée nationale, qui a été ensuite son bâton de maréchal. Ça a été vraiment son poste majeur. Et malgré tout, ils sont restés très proches. Quand il était président de l'Assemblée nationale, De Gaulle le recevait le soir à l'Élysée, deux fois par mois, même trois fois par mois. Un privilège. C'était un privilège. Il y avait une relation privilégiée. De Gaulle disait « Chaban est très éclectique dans ses idées et prolixe dans ses méthodes, mais il aimait bien Chaban et il en connaissait en tout cas la fidélité. » Exactement. Merci Jean Garrigue. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Chaban et la Nouvelle Société, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr bien sûr. Et à la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.